d'insomnie sans tête. Mise en garde derrière des forêts. Une force à courir. Je relativise. Un verre de pierre. Je pense au lendemain. Une plaque de pierre. Des proches, puis des proches. Je m'aide bien. Crois-le, je m'engraine. Envie de vivre comme un dératé. À tes ressages, des ratures. Notre littérature paiera peut-être. Je vois que je m'enterre. Dis Timmy, qu'est-ce qu'on dérapeur. On dérape pas sur un opéra pur. Sous le bête des rappeurs. L'addition des strates façonne l'odyssée de l'espèce. Tu trim gros d'espère, casser tes chaînes comme l'esclave. On en a marre d'embrasser les chèques, on rêve quand c'est. Joyeux bordel, pas qu'en Espagne, va quand elle taffe, mais reste des chiennes. On bougera des enceintes, fois lancées, pas besoin d'en faire. Invisible comme l'emprunt, de nos pensées. Les pensées dans l'enfer, sans lanterne, mal éclairé. On vivra pas lanterne, seul on se perd, comme sans emmerde. On se guidera pas nous-mêmes, de noir se repère. Le choix de ce cocktail, l'effroi de ce cortège. Et les joies de ce bordel, lèche mes wads encore chiennes. Mets les wads dans le bobsleigh, mène les wads sans forcer. Même des fois je m'endors frère. Tous recollent pas mes têtes, la taille sont giratères. On se remet mort la veille et tous ses têtes à queue dans le giratoire. Une forte tête, un vieux nectar dans un crâne de cristal. J'pisse du NSI sur la lueur, ton paradis fiscal. Abattre les barres des bords de pipelet. Chip, fan, gramme, crack, claqué. Déjà cuite la veille, vise la terre. A fini rincé dans les fruits de ta graine. Dise la tête, la paix. Quitte à finir triste après. Consentement tacite, on veut te faire croire. On t'incite, ton patrimoine est mort en mer. Gang bankster, classique. Saisis les comptes bancaires. Mon bras blond prend tête. Toi ton vivre en paix. Géré par quelques amants tracés. Oui salopard on sert l'équipe de cabochard au père. On percute des soirs à s'amocher des enfants perdus. Même sans l'espoir faut s'accrocher à ce qui rit l'hypercute. En caisse de charge de fois cochère. J'mets plus d'inertie qu'air cul. Remballe tes ordres. Dogme et t'es dictat. Ta discorde. On parle fort. Mais on vise pas les stats. Quand la vie score. Artido. On voit plus les vapeurs toxiques. La disco. La mine grise dans l'extase. Délaisse le vice qu'on t'expose. Faire de couilles sur la traque. Le truc est fou, j'pousse la face. Fais pas le fou, pousse-toi. Fume ton goudron, bouffe la sphac. Sous jasmin, ça se fout la mythe. Mais le jasmin, c'est pour mamie. Tous arbi, j'ai le tour de ma vie. Et sous je navigue dans le tsunami. T'as pas envie, on air t'es clair quand le talent brille. T'as pas l'emprise, ma parole, pas l'envie d'écrire mes phases de ma lampille. Je veux de la merde dans la lentille, j'emmerde les maîtres et les lentilles. J'arrête de vivre au ralenti, je te souhaite un joyeux bordel.